et de la nuit consacrent une partie avant l'aube pour des salates surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire.